biche. 35 piches, cette étoile jaune dans mon dos qui squatte. Leur flip qu'on passe tous, qu'on s'intègre. Les nègres trop intègres. Paname, tournovis, nos fils, nos vis. Connaissent-moi les délices nice de jadis. France est faite, le pen, les temps modernes. Réserve le taf aux gars couleur neige. Le nègre fronce les sourcils, des soucis. Sa vie est trop malsaine, c'est louche. Le skin est pris, il touche à chaque nègre qui shoot. Faut-il qu'on reste longtemps la gueule ouverte comme des phoques, quoi. Quand nous fuck, faut que la rage soit réciproque. Fuck, on en boxe quelques-uns qui foivent dans leur froc. M2, mon escadron, traque les fachos. Maîtrise la force du X même, l'esprit du King 2010. Style, troisième rage, le stress. En masse des bras tendus, le pénis. Le ventre de Nance est vendu, crâne tendu. Au tendu, 3K, Babylone veut nous voir pendu. Ils croient con, les appars connus nous prennent pour des cons. Se le disent, ça s'agite, il s'agit de soldats qu'un Bams plus 2. Fou, militant, arme au point, militaire. Quand Panam prendra des airs de Vietnam. Quand nous blâme, on le sait, mais nos taf on le fait, les faits le prouvent. Les sarrasins victimes du préjudice. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. 2010. Les sarrasins victimes du préjudice. 2010. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. Réfugiés fugitifs dans un camp. Comme Fujis, mon crew et Bams planqué en quête d'une stratégie de sortie. Une chaleur infernale ondule mon corps. Je lève les stores, jette un œil dehors. T'imagines pas le nouveau décor, j'entends hurler des frères qui se font cavaler par des skins, c'est charmé. Ce qui peut arriver si tu quittes te repères et qu'ils te repèrent, ils te piègent. Le privilège d'être achevé, ça y est, c'est jugé pour les bas années, pas des années. Comme tu vois, y'a plus de droit pour tous les sarrasins, tous pour chasser le dévergonde. Une avalanche de blondins, des flics mystiques, les engins, plus de plaques, c'est leur festin. Pour nous, l'issue restreinte, se glisser. Le moment opportun, les pires pépins, matronois, y'a trop de babtou. Code rouge, du rouge partout, y'a plus un seul nègre. À Château Rouge, Barbès, plus de tati, Girouti. Sans nouveau logis, château d'eau, plus de tissage, de mèche. Pour toutes ces ladies night, on chiale, on accuse Bab d'avoir causé le fiasco. Seulement, où étions-nous? Où étaient tous ces négros? Les sarrasins, victimes du préjudice. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. 2010. Les sarrasins victimes du préjudice. 2010. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. Mon expatrie rapatrie ma mère. Sans que quiconque ne délibère, elle embarque dans le charter. Remarque le nombre de bas années qui suit derrière. 2010, une autre décennie. La chasse est ouverte et sa grouille de Jean-Marie. Lâchés, fâchés, font la traite de boy beat. Paris aux frontières de toutes les villes. Je suis wanted, seul dans ma vie. Face au pouvoir, j'ai besoin d'aide. SOS, pour tous mes frères déclassés. Effacés à la lettre Z. Tu vois la vie en France, en Occident, c'est dead. D'un droit qu'ils trouvent légitime, le nouveau régime nous condamne à vivre 2 centimes. Le FN nous brime, c'est toujours moi qui trime. Et lui n'a qu'à sourire d'avoir trouvé la rime. Les sarrasins victimes du préjudice. 2010. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. 2010. Les sarrasins victimes du préjudice. 2010. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. Les sarrasins victimes du préjudice. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat, ils courent tous dans les rues comme des rats. 2010. Les sarrasins victimes du préjudice. 2010. Les bas années vivent, les pires sévices. Les nègres bab regrettent tous d'avoir laissé passer ces choses-là. Mat.